résonnent dans l'air. Les camps se lèvent un à un. Le désert s'ouvre devant nos pas. Et tu nous appelles plus loin. Ordre dans la marche, signal pour le départ. Même les sons deviennent langage quand tu conduis l'histoire. Quand l'arche se met en mouvement, c'est le ciel qui nous précède. En marche derrière toi, même sans tout comprendre encore. En marche derrière toi, car ta présence est notre nord. En marche derrière toi, dans la poussière et les saisons, nous avançons sous ta promesse. Et même dans le bruit du départ, tu fais naître l'unité. En marche derrière toi, même sans tout comprendre encore. En marche derrière toi, car ta présence est notre nord. En marche derrière toi, dans la poussière et les saisons, nous avançons sous ta promesse. Seigneur, que tes ennemis soient dispersés et que ceux qui t'aiment se réjouissent à jamais.